quitte les tirs. Il t'emporte avec lui au bout de la folie du rire. C'est la rock'n'roll d'Isil. Aucun moyen de lâcher prise. Se bandonner dans le tempo. Quelle douce passion que la musique. Elle te projette dans tes chimères. Mêlant le rêve au fantastique. Laisse-toi guider par le son. C'est la rock'n'roll d'Isis. Aucun moyen de lâcher prise. Les jours de blues vagabonds, laisse-toi balayer par la tempête qui sommeille au fond de ton âme et se déchaîne quand tout s'arrête. C'est le rock'n'roll d'Isis. Aucun moyen de lâcher prise. Chaque fois que tu l'entends, chaque fois que tu le sens, ce feeling qui te l'électrise. Il t'emporte avec lui au bout de la folie du rire.